L'actualité à Nancy et ailleurs. Isa, bonjour. Bonjour. Après 20 ans de carrière dans le domaine de la banque, vous avez eu un jour envie de changer complètement d'orientation et vous avez créé une épicerie. Ça s'appelle tout simplement l'épicerie d'Isa. Oui, c'est ça, exactement. Sur votre page Facebook, hein, l'épicerie d'Isa, vous mettez en avant cette phrase de Nelson Mandela, « Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Ça résume bien votre situation aujourd'hui ? Oui, effectivement. Tout est parti finalement d'une histoire d'amitié. Il y a 20 ans, lors de mon premier jour de travail dans une banque, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une de mes meilleures amies, Isabelle Gangloff, du Moulin Gangloff. Nous sommes devenus très proches, nous avons grandi, évolué au sein de la banque et aussi en dehors de la banque pendant toutes ces années. Puis, il y a 3 ou 4 ans, ben, effectivement, j'ai compris que j'étais arrivée au bout de la route, au sein de la banque, que j'avais besoin en fait de vivre une autre expérience, un autre projet professionnel. Je me suis lancée, j'ai eu ce déclic et je me suis lancée avec ma meilleure amie pour développer un nouveau projet d'épicerie. Une épicerie itinérante, c'est ça ? Ouais, exactement. En fait, c'est un commerce ambulant. Donc, je me déplace avec mon petit camion, je vais au domicile des gens, j'ouvre le haillon à l'arrière, comme finalement un peu comme dans le temps, où je présente tous mes produits du moulin, toutes les farines, les légumes secs, les pâtisseries, etc. Et puis les gens prennent les produits directement dans le camion. Ça a pris du temps pour mûrir un peu ce projet, et puis ça change complètement d'activité, parce que le domaine de la banque, c'est plutôt quelque chose d'assez statique, en bureau, etc. Là, vous aviez carrément envie de prendre la route, d'aller à la rencontre des personnes. Totalement. En fait, c'est vrai que d'être enfermé dans un bureau toute la journée, toute la semaine, j'avais envie d'aller voir dehors, d'aller à la rencontre des gens et non plus l'inverse. Parce que finalement, quand on est dans un bureau, c'est les gens qui viennent plus à nous et la relation avec les gens est complètement différente. Hein. Donc j'avais envie effectivement d'aller voir les gens, d'aller parler avec eux, d'avoir une autre expérience, une nouvelle vie et j'en suis vraiment ravie. Ça a pris combien de temps alors pour construire ce projet ? Quelques années. Ça a été assez rapide hein, finalement parce qu'on en a parlé avec mon ami finalement autour d'un verre et puis on s'est dit mais pourquoi pas se lancer dans ce projet. On en a parlé en fin d'année 2020 et puis en début d'année je suis montée au moulin, j'ai pu participer un petit peu à la vie en fait de Cornélie. Donc Cornélie, c'est une dame au moulin qui fait déjà ça depuis 20 ans, elle, de son côté, hein, le démarchage à domicile, comme ça. Et puis, donc j'ai vécu une petite expérience d'une journée avec elle à ses côtés. Ça m'a beaucoup plu et je me suis lancée. C'est parti, la société, je l'ai immatriculée finalement au mois de juin 2021. Donc en quelques mois, tout était fait. Est-ce que la situation avec la crise du Covid et tout ça, ça a un peu accéléré les choses? Ça vous a fait décider encore plus vite? Je pense que ça a été un déclic. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quand même un bilan de compétences. Ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Je me suis découverte des qualités, j'ai pris confiance en moi. Et je me suis dit, allez, hop, c'est parti, je me lance. Il ne faut rien regretter dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut y aller, il faut foncer. Et là, c'était parti. J'avais pris ma décision. Et là, vous êtes en activité donc depuis quelques mois seulement? J'ai démarré mon activité au mois de juin 2021. Oui. J'ai vraiment commencé sur le terrain depuis l'été finalement 2021. Donc je vais sur les marchés pour me faire connaître, je vais au domicile des gens, je commence à travailler aussi avec quelques petits commerçants maintenant. Donc je noue beaucoup de relations, je fais de belles rencontres. C'est vraiment une superbe expérience et je ne regrette pas du tout mon choix. Et en valorisant aussi tout ce qui est circuit court, des produits locaux j'imagine. Ça, ouais, ça c'est important. Exactement. Oui. Alors, les produits proviennent donc à la base du moulin pour toutes les farines, hein. Farines traditionnelles, les farines pour pain, pizza, brioche. On fait aussi des petites préparations pour les gâteaux. Et puis, tout ce qui est légumes secs, pâtisserie, petit déjeuner, tout ça provient de petits producteurs, effectivement, français, tout ce qui est régional, local. Donc, c'est vraiment circuit court. Après ces quelques mois d'activité, quel regard vous avez sur ces quelques mois? Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous n'auriez pas pensé ou au contraire, non, tout va bien? Eh ben moi, j'ai envie de dire au contraire, parce que chaque matin, quand je me lève, c'est un vrai plaisir. Je suis heureuse d'aller travailler le matin. Je suis heureuse de faire toutes ces nouvelles rencontres, d'avoir cette nouvelle expérience. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire, j'ai pas spécialement de difficultés. Au contraire, chaque jour, je fais de nouvelles rencontres et ça avance pour le mieux, pour le moment. Et Donc, j'imagine tant que mieux. vos 20 ans d'expérience dans la banque, ça a un peu aidé aussi à la construction du projet? Oui, c'est vrai. Par rapport, par exemple, à la comptabilité, j'ai des connaissances administratives, on va dire, qui m'aident aussi dans la société. Donc, cette expérience, je ne la regrette pas du tout, au contraire, hein. Ça Et vous avez eu un autre m'aide tous les accompagnement jours. aussi dans la création de cette entreprise? Bah, du coup, j'ai un banquier très sympa qui m'aide aussi beaucoup. J'ai un très bon comptable aussi qui est là pour m'aider. J'ai bah, bien sûr, hein, mon amie Isabelle Gangloff. Hein, on est toutes les deux associées, hein, dans la société. C'est moi qui suis sur le terrain, mais elle m'aide beaucoup dans le projet. Son frère, Martin Gangloff, qui est le meunier, m'aide beaucoup aussi dans cette société. Donc, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me permettent d'avancer sereinement. Donc, c'est un conseil que vous pourriez donner, c'est de bien se faire entourer, déjà, si on veut se C'est lancer ça. comme ça, bien conseiller. Je pense que c'est le plus important, c'est d'être bien entouré. J'ai aussi ma famille, hein, qui m'ont bien accompagnée, qui m'ont dit vas-y, fonce. Ça, je pense que c'est très important aussi. Sans ça, sans eux, je ne me serais peut-être pas lancée. Donc, d'être bien entouré, c'est primordial. Pour terminer un peu, est-ce que vous avez des projets pour votre épicerie? Ben oui, mes projets, ce serait de travailler avec encore d'autres commerçants sur le secteur. Ce serait un vrai plaisir de faire découvrir les produits du moulin. Ça aussi, c'est un plaisir. J'ai beaucoup de retours, par exemple, sur les réseaux sociaux, des gens qui m'envoient les photos de leurs petites créations, de leurs réalisations. Donc ça, c'est un vrai bonheur quand je les reçois. Voilà, faire découvrir le plus possible mes produits autour de moi, au niveau local, du côté du 54, ce serait parfait. Merci beaucoup Isa, on retrouve bien sûr toutes les infos. Vous Merci avez à une page Facebook, hein. C'est l'épicerie d'Isa tout simplement, on la vous. trouve Oui, tout à facilement. fait, l'épicerie Lisa sur Facebook. Merci à vous. À très bientôt, merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.